On a découvert une nouvelle étoile. Une nouvelle étoile a été découverte. On a élu un nouveau maire. Un nouveau maire a été élu. On a repeint la tour Eiffel. La tour Eiffel a été repeinte. On a construit une nouvelle bibliothèque. Une nouvelle bibliothèque a été construite. On a inauguré deux écoles maternelles. Deux écoles maternelles ont été inaugurées.